Chapitre 5. Trois jours après cette nuit fatale, à 9h du matin, Hermann entrait dans le couvent où l'on devait rendre les derniers devoirs à la dépouille mortelle de la vieille comtesse. Il n'avait pas de remords, et cependant il ne pouvait se dissimuler qu'il était l'assassin de cette pauvre femme. N'ayant pas de foi, il avait, selon l'ordinaire, beaucoup de superstition. Persuadé que la comtesse morte pouvait exercer une maligne influence sur sa vie, il s'était imaginé qu'il apaiserait ses mânes en assistant à ses funérailles. L'église était pleine de monde, et il eut beaucoup de peine à trouver place. Le corps était disposé sur un riche catafalque, sous un baldaquin de velours. La comtesse était couchée dans sa bière, les mains jointes sur la poitrine, avec une robe de satin blanc et des coiffes de dentelle. Autour du catafalque, la famille était réunie. Les domestiques en cafetan noir, avec un nœud de ruban armorié sur l'épaule, un cierge à la main. Les parents en grand deuil, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Personne ne pleurait. Les larmes eussent passé pour une affectation. La comtesse était si vieille que sa mort ne pouvait surprendre personne, et l'on s'était accoutumé depuis longtemps à la regarder comme déjà hors de ce monde. Un prédicateur célèbre prononça l'oraison funèbre. Dans quelques phrases simples et touchantes, il peignit le départ final du juste qui a passé de longues années dans les préparatifs attendrissants d'une fin chrétienne. « L'ange de la mort l'a enlevé, » dit l'orateur, au milieu de l'allégresse de ses pieuses méditations et dans l'attente du fiancé de minuit. Le service s'acheva dans le recueillement convenable. Alors les parents vinrent faire leurs derniers adieux à la défunte. Après eux, en longue procession, tous les invités à la cérémonie s'inclinèrent pour la dernière fois devant celle qui, depuis tant d'années, avait été un épouvantail pour leurs amusements. La maison de la comtesse s'avança la dernière. On remarquait une vieille gouvernante du même âge que la défunte, soutenue par deux femmes. Elle n'avait pas la force de s'agenouiller, mais des larmes coulèrent de ses yeux quand elle baisa la main de sa maîtresse. À son tour, Hermann s'avança vers le cercueil. Il s'agenouilla un moment sur les dalles jonchées de branches de sapin. Puis il se leva, et pâle comme la mort, il monta les degrés du catafalque et s'inclina. Quand, tout à coup, il lui sembla que la morte le regardait d'un œil moqueur en clignant un œil. Hermann, d'un brusque mouvement, se rejeta en arrière et tomba à la renverse. On s'empressa de le relever. Au même instant, sur le parvis de l'église, Lisabetta Ivanovna tombait sans connaissance. Cet épisode troubla pendant quelques minutes la pompe de la cérémonie funèbre. Les assistants chuchotaient, et un chambellan chafouin, proche parent de la défunte, murmura à l'oreille d'un Anglais qui se trouvait près de lui. « Ce jeune officier est un fils de la comtesse, de la main gauche, s'entend. » À quoi l'Anglais répondit « Oh !» Toute la journée, Hermann fut en proie à un malaise extraordinaire. Dans le restaurant solitaire où il prenait ses repas, il but beaucoup, contre son habitude, dans l'espoir de s'étourdir. Mais le vin ne fit qu'allumer son imagination et donner une activité nouvelle aux idées qui le préoccupaient. Il rentra chez lui de bonne heure, se jeta tout habillé sur son lit et s'endormit d'un sommeil de plomb. Lorsqu'il se réveilla, il était nuit. La lune éclairait sa chambre. Il regarda l'heure. Il était 3h15. Il n'avait plus envie de dormir. Il était assis sur son lit et pensait à la vieille comtesse. En ce moment, quelqu'un dans la rue s'approcha de la fenêtre comme pour regarder dans sa chambre et passa aussitôt. Hermann y fit à peine attention. Au bout d'une minute, il entendit ouvrir la porte de son antichambre. Il crut que son Denchik, ivre selon son habitude, rentrait de quelque excursion nocturne. Mais bientôt il distingua un pas inconnu. Quelqu'un entrait, entraînant doucement des pantoufles sur le parquet. La porte s'ouvrit. Et une femme, vêtue de blanc, s'avança dans sa chambre. Hermann s'imagina que c'était sa vieille nourrice, et il se demanda ce qui pouvait l'amener à cette heure de la nuit. mais la femme en blanc, traversant la chambre avec rapidité, fut en un moment au pied de son lit, et Hermann reconnut la comtesse. « Je viens à toi contre ma volonté, » dit-elle d'une voix ferme. « Je suis contrainte d'exaucer ta prière. » Trois, sept, as gagneront pour toi, l'un après l'autre. Mais tu ne joueras pas plus d'une carte en 24 heures. Et après, pendant toute ta vie, tu ne joueras plus. Je te pardonne ma mort, pourvu que tu épouses ma demoiselle de compagnie, Lisabetta Ivanovna. » À ces mots, elle se dirigea vers la porte et se retira en traînant encore ses pantoufles sur le parquet. Hermann l'entendit pousser la porte de l'antichambre et vit un instant après une figure blanche passer dans la rue et s'arrêter devant la fenêtre comme pour le regarder. Hermann demeura quelque temps tout abasourdi. Il se leva et entra dans l'antichambre. Son denchik, ivre comme à l'ordinaire, dormait couché sur le parquet. Il eut beaucoup de peine à le réveiller et n'en put obtenir la moindre explication. La porte de l'antichambre était fermée à clé. Hermann entra dans sa chambre et écrivit aussitôt toutes les circonstances de sa vision. Chapitre 6. Deux idées fixes ne peuvent exister à la fois dans le monde moral. De même que dans le monde physique, deux corps ne peuvent occuper à la fois la même place. Trois, sept, as effacèrent bientôt dans l'imagination de Hermann le souvenir des derniers moments de la comtesse. Trois, sept, as ne lui sortaient plus de la tête et venaient à chaque instant sur ses lèvres. Rencontrait-il une jeune personne dans la rue ? Quelle jolie taille, disait-il. Elle ressemble à un trois de cœur. On lui demandait l'heure, et il répondait « 7 de quart au moins un quart ». Tout gros homme qu'il voyait lui rappelait un as. 3, 7, as le suivaient en songe et lui apparaissaient sous maintes formes étranges. Il voyait des trois s'épanouir comme des magnolias grandiflora. Des 7 s'ouvraient en portes gothiques. Des as se montraient suspendus comme des araignées monstrueuses. Toutes ses pensées se concentraient vers un seul but. Comment mettre à profit ce secret, si chèrement acheté? Il songeait à demander un congé pour voyager. À Paris, se disait-il, il découvrirait quelques maisons de jeu où il ferait en 3 coups sa fortune. Le hasard le tira bientôt d'embarras. Il y avait à Moscou une société de joueurs riches sous la présidence du célèbre Tchekalinski, qui avait passé toute sa vie à jouer et qui avait amassé des millions, car il gagnait des billets de banque et ne perdait que de l'argent blanc. Sa maison magnifique, sa cuisine excellente, ses manières ouvertes, lui avaient fait de nombreux amis et lui attiraient la considération générale. Il vint à Pétersbourg. Aussitôt la jeunesse accourut dans ses salons, oubliant les bals pour les soirées de jeu et préférant les émotions du tapis vert aux séductions de la coquetterie. Hermann fut conduit chez Tchekalinski par Narumov. Ils traversèrent une longue enfilade de pièces remplies de serviteurs polis et empressés. Il y avait foule partout. Des généraux et des conseillers privés jouaient au whist. Des jeunes gens étaient étendus sur les divans, prenant des glaces et fumant de grandes pipes. Dans le salon principal, devant une longue table autour de laquelle se serrait une 20aine de joueurs, le maître de la maison tenait une banque de pharaons. C'était un homme de 60 ans environ, d'une physionomie douce et noble, avec des cheveux blancs comme la neige. Sur son visage, plein et fleuri, on lisait la bonne humeur et la bienveillance. Ses yeux brillaient d'un sourire perpétuel. Narumov lui présenta Hermann. Aussitôt, Tchekalinski lui tendit la main, lui dit qu'il était le bienvenu, qu'on ne faisait pas de cérémonie dans sa maison, et il se remit à tailler. La taille dura longtemps. On pontait sur plus de 30 cartes. À chaque coup, Tchekalinski s'arrêtait pour laisser aux gagnants le temps de faire des parolis, payait, écoutait civilement les réclamations, et plus civilement encore, faisait abattre les cornes qu'une main distraite s'était permise. Enfin la taille finit. Tchekalinski mêla les cartes et se prépara à en faire une nouvelle. « Permettez-vous que je prenne une carte ?» dit Herman, allongeant la main par-dessus un gros homme qui obstruait tout un côté de la table. Tchekalinski, en lui adressant un gracieux sourire, s'inclina poliment en signe d'acceptation. Narumov complimenta, en riant, Herman sur la fin de son austérité d'autrefois et lui souhaita toutes sortes de bonheur pour son début dans la carrière du jeu. « Va, » dit Herman, après avoir écrit un chiffre sur le dos de sa carte. « Combien ?» demanda le banquier en clignant des yeux. « Excusez, je ne vois pas. » « 47 000 roubles, » dit Herman. À ces mots, toutes les têtes se levèrent. Tous les regards se dirigèrent sur Herman. « Il a perdu l'esprit, » pensa Narumov. « Permettez-moi de vous faire observer, monsieur, » dit Tchekalinski avec son éternel sourire, « que votre jeu est un peu fort. Jamais on ne pond ici que 275 000 roubles sur le simple. »« Bon, » dit Herman, « me faites-vous ma carte, oui ou non ?» Tchekalinski s'inclina en signe d'assentiment. « Je voulais seulement vous faire observer, » dit-il, « que bien que je sois parfaitement sûr de mes amis, je ne puis tailler que devant de l'argent comptant. Je suis parfaitement convaincu que votre parole vaut de l'or. Cependant, pour l'ordre du jeu et la facilité des calculs, je vous serai obligé de mettre de l'argent sur votre carte. » Herman tira de sa poche un billet et le tendit à Tchekalinski, qui, après l'avoir examiné d'un clin d'œil, le posa sur la carte de Herman. Il tailla. À droite vint un 10, à gauche un 3. « Je gagne, » dit Herman en montrant sa carte. Un murmure d'étonnement circula parmi les joueurs. Un moment, les sourcils du banquier se contractèrent, mais aussitôt son sourire habituel reparut sur son visage. « Faut-il régler ? » demanda-t-il au gagnant. « Si vous avez cette bonté... » Tchekalinski tira des billets de banque de son portefeuille et paya aussitôt. Herman empocha son gain et quitta la table. Narumov n'en revenait pas. Herman but un verre de limonade et rentra chez lui. Le lendemain, au soir, il revint chez Tchekalinski, qui était encore attaillé. Herman s'approcha de la table. Cette fois, les pontes s'empressèrent de lui faire une place. Tchekalinski s'inclina d'un air caressant. Herman attendit une nouvelle taille, puis prit une carte sur laquelle il mit ses 47 000 roubles et en outre le gain de la veille. Tchekalinski commença à tailler. Un valet sortit à droite, un 7 à gauche. Herman montra un 7. Il y eut un A général. Tchekalinski était évidemment mal à son aise. Il compta 94 000 roubles et les remit à Herman, qui les prit avec le plus grand sang-froid, se leva et sortit aussitôt. Il reparut le lendemain à l'heure accoutumée. Tout le monde l'attendait. Les généraux et les conseillers privés avaient laissé leur whist pour assister à un jeu si extraordinaire. Les jeunes officiers avaient quitté les divans. Tous les gens de la maison se pressaient dans la salle. Tous entouraient Herman. À son entrée, les autres joueurs cessèrent de ponter dans leur impatience de le voir aux prises avec le banquier, qui, pâle mais toujours souriant, le regardait s'approcher de la table et se disposer à jouer seul contre lui. Chacun d'eux défit à la fois un paquet de cartes. Herman coupa, puis il prit une carte et la couvrit d'un monceau de billets de banque. On eût dit les apprêts d'un duel. Un profond silence régnait dans la salle. Tchekalinski commença à tailler. Ses mains tremblaient. À droite, on vit sortir une dame. À gauche, un as. « L'as gagne, » dit Herman, et il découvrit sa carte. « Votre dame a perdu, » dit Tchekalinski d'un ton de voix mielleux. Herman tressaillit. Au lieu d'un as, il avait devant lui une dame de pique. Il n'en pouvait croire ses yeux et ne comprenait pas comment il avait pu se méprendre de la sorte. Les yeux attachés sur cette carte funeste, il lui sembla que la dame de pique clignait de l'œil et lui souriait d'un air railleur. Il reconnut avec horreur une ressemblance étrange entre cette dame de pique et la défunte comtesse. « Maudite vieille !» s'écria-t-il épouvanté. Tchekalinski, d'un coup de râteau, ramassa tout son gain. Hermann demeura longtemps immobile, anéanti. Quand enfin il quitta la table de jeu, il y eut un moment de causerie bruyante. « Un fameux ponte !» disaient les joueurs. Tchekalinski mêla les cartes et le jeu continua. Hermann est devenu fou. Il est à l'hôpital d'Obukhov, le numéro 17. Il ne répond à aucune question qu'on lui adresse, mais on l'entend répéter sans cesse. 3, 7, As. 3, 7, Dame. Lisabetta Ivanovna vient d'épouser un jeune homme très aimable, fils de l'intendant de la défunte comtesse. Il a une bonne place et c'est un garçon fort rangé. Lisabetta a pris chez elle une pauvre parente dont elle fait l'éducation. Tomski a passé chef d'escadron. Il a épousé la princesse Pauline.